بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, cet enregistrement, cet audio, donc, est la retranscription, du moins audio. On va refaire l'enregistrement du cours qu'on a fait en Belgique. Donc, le fait que le manhaj salafi est innocent de toute déviance, et notamment l'extrémisme et le terrorisme. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Il y a parmi les gens ceux qui disent: "Nous croyons en Allah et au jour dernier", mais cependant ils ne sont pas croyants. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala: "Wa law tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laytana nurad wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin." Et si tu voyais, quand ils seront installés devant le feu, et qu'ils diront: si seulement nous pouvions être renvoyés sur terre. Et à ce moment-là, on ne va pas traiter de mensonge les versets de notre Seigneur ainsi que les signes de notre Seigneur, mais nous allons faire partie des croyants. Mais au contraire, ce qu'ils cachaient auparavant leur apparaît clairement. Mais si on les renvoyait sur terre, ils auraient recommencé à faire ce qui leur est interdit, et certes, ce sont des menteurs. Allah tabaraka wa ta'ala ici, il nous montre que des personnes peuvent avoir des prétentions. Ils prétendent avoir la foi. Ils prétendent que si on les renvoie sur terre, ils vont avoir la foi et suivre les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce ne sont que des prétentions mensongères. Wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. Les juifs et les chrétiens ont dit: nous sommes les bien-aimés d'Allah. Nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Dit, pourquoi est-ce qu'il vous châtie pour vos péchés? C'est une prétention que vous avez. Et donc la prétention, elle n'est pas prise en compte. Barakallahu fikum. Et ça, on le comprend bien dans quel sujet, jazakumullahu khair, ce qui est voulu ici, ce sont tous ceux qui prétendent être salafi. Beaucoup vont prétendre être salafi. Ana salafi. C'est une prétention, oui, tu as compris que, effectivement, comme on a vu donc dans tous les cours précédents, la salafia, c'est l'islam. La salafia, c'est une voie obligatoire, c'est la voie qu'il est obligatoire de suivre. La salafia, c'est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Tu as compris ça. Et donc, tu te dis salafi, mais est-ce que tu l'es réellement? Est-ce que réellement tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Akhraj Muslim fi sahihih an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن. مسلم لما مسلم رحمه الله السيد dans son صحيح سلم مسعود رضي الله عنه. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé dans une communauté avant moi, sans qu'il ait dans sa communauté des apôtres et des compagnons qui prenaient sa sunna et qui suivaient ses commandements. Puis il viendra après eux des mauvaises générations. Puis il vient après eux des mauvaises générations qui disent ce qu'ils ne font pas. Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. Ils disent ce qu'ils ne font pas, par exemple, le fait de dire qu'ils suivent la sunna, le fait de dire qu'ils sont salafis, le fait de dire qu'ils suivent le Coran et la sunna. Ils le disent. Mais est-ce qu'ils le font réellement? Non. Ils ne le font pas. Et ils font ce qu'on ne leur a pas ordonné, des bidas. Ils vont faire des innovations. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les combat par la main est un croyant. Celui qui les combat par la langue est un croyant. Celui qui les combat par le cœur est un croyant. Et donc on comprend clairement, barakallahu fikoum, en écoutant ces textes, en méditant sur ces textes, que les prétentions ne sont pas prises en compte. Tu peux prétendre ce que tu veux. Tu peux prétendre ce que tu veux. Ce n'est pas ce qui est pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est la réalité des choses. Ce sont les faits. Est-ce que, effectivement, tu es salafi ou pas? Voilà ce qui est pris en compte. Et même chose pour le mariage. Je vous le dis tout de suite. Même chose pour le mariage. Il y a des frères qui se présentent pour le mariage. Mashallah. Tu l'entends presque. Tu crois que c'est un compagnon. Ah, j'ai si, ça, les sœurs, même chose. Moi, mashallah, ça. Le premier jour du mariage, subhanallah, il a dit, l'azim, surprise, les frères sont choqués, les sœurs sont choquées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sincère dans nos prétentions. D'où l'importance, barakallahu fi, comme c'est un conseil que je donne à mes frères, à mes sœurs. Lorsque tu cherches à te marier, ne te fie pas à ce que la personne te dit. Ne te fie pas à ce que la personne te dit d'elle. Ne te fie pas à ce que le frère te dit de lui. Ne te fie pas à ce que la sœur te dit d'elle. Renseigne-toi autour. Renseigne-toi parce qu'il y en a beaucoup qui ont des prétentions. Oui, je suis salafi. Lorsque tu lui dis, ouais, mais tel cheikh, il a mis en garde, etc. Ah non, mise en garde, non, je veux pas. C'est pas toi qui m'as dit le jour du mariage que tu étais salafi? Et donc, barakallahu fikoum, il faut faire très attention à ça. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, « وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَكُولَ فُلَانٌ صَاحِبُ سُنَّةِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ السُنَّةِ فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. Il dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, il n'est pas permis. Et c'est là que nous, on doit faire attention après. Il n'est pas permis de dire d'un homme que, il n'est pas permis qu'un homme dise sur un tel, il est un adepte de la sunna. Jusqu'à ce qu'il sache que celui-ci a réellement réuni en lui les caractéristiques de la sunna, les particularités de la sunna. Et donc, on ne dit pas de lui qu'il est un adepte de la sunna jusqu'à ce qu'il ait réuni toutes les caractéristiques de la sunna. Et donc, on ne dit pas de lui qu'il est salafi jusqu'à ce qu'il ait réuni toutes les caractéristiques de la salafia. Tous les fondements de la salafia. Aujourd'hui, subhanallah, alayhi al-azim, les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui. Ou du moins, ils le savent, mais ils ne l'appliquent pas. Un tel, c'est un salafi. Ah bon? Tu le connais? Ah, mais il dit qu'il est salafi. Ah, il dit qu'il est salafi, ouais. Heureusement qu'il t'a dit qu'il est salafi et qu'il n'est pas innovateur. C'est impressionnant quand même, ça. Aujourd'hui, subhanallah, des gens vont assister à des cours. Ouais, non, mais il dit qu'il est salafi. Ah, il dit qu'il étudie chez Cheikh Fonzen. Ah. Il dit qu'il étudie chez Cheikh Intel. Ah, d'accord. Yakfi, ça suffit. Ça suffit pour dire qu'il est salafi. Subhanallah. Combien d'innovateurs ont étudié chez les imams de la sunna? Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a tué Ali, radiallahu anhu. Il a étudié chez qui? Il a étudié chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a étudié chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il fut cité que Omar lui-même a demandé qu'on le rapproche de la mosquée afin qu'il puisse enseigner le Coran. Et ensuite, cet homme, il a tué Ali. Et donc, barakallahu fikoum, ce ne sont pas les prétentions qui sont mises en valeur, mais ce sont les faits. Ce sont les faits. On doit arrêter chaque année, chaque fois, de se laisser leurrer par toutes ces prétentions. Hein? Il suffit que la personne marque « salafi » et ça, tout le monde tombe dedans. Ou alors la personne marque sur son compte, elle marque « la science » ou « la science légiférée » ou autre, et ça, tout le monde tombe dedans. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Mashallah, ils ont tous acheté le livre. Ils ont tous acheté le livre. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Qui vous a dit que c'est un salafi qui est derrière? Ouais, mais le livre, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Ah, d'accord, ok. Ok. Et donc, il faut arrêter, barakallahu fikoum, ce laxisme. On ne dit pas d'une personne, on ne dit pas d'un individu qu'il est salafi, tant qu'on ne sait pas qu'il est réellement salafi. Alors que tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne le connais pas. Si tu le connais, alhamdoulilah. Si tu sais qu'il est salafi, alhamdoulilah, mashallah. Mais tu ne le connais pas. On ne t'a pas demandé de mentir sur lui, de dire qu'il n'est pas salafi. Attention. On ne t'a pas demandé de dire qu'il n'est pas salafi. Parce que là aussi, tu pourrais faire une injustice. Parce qu'il se peut qu'il soit salafi, mais tu ne le connais pas. Alors, tu ne le connais pas. Tu dis, je ne le connais pas. Je sais, c'est un frère, il se dit salafi. Mais est-ce qu'il est réellement? Je ne sais pas, moi, je ne le connais pas. Mais par contre, il se dit salafi. Et Inch'Allah, khair. Et donc, il ne faut pas être injuste non plus. Barakallahu fikoum. Et donc, voilà pourquoi les savants, barakallahu fikoum, les frères, ils ont mis en garde contre les déviances et contre tous ceux qui se disent salafis et n'en font pas partie. Et aussi, ils ont mis en garde contre le terrorisme. Et tout cela en se basant sur les textes de la législation. Comme on a vu que les sources et les références du manhaj salafi, le Coran et la Sunna, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ » Et donc, si un des polythéistes te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il écoute la parole d'Allah. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le comportement à avoir envers donc ce polythéiste, donc non musulman, incroyant, kafir, qui demande asile dans un pays musulman. On lui accorde. Et on doit respecter cela. Et ne pas atteindre à sa sécurité, ne pas toucher à sa sécurité. Et donc, on doit lui accorder. Ceci selon le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment après cela, nous pouvons accomplir des actes terroristes? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Wa awfu bil ahd, inna al-ahd kana mas'oula » Respectez les engagements, les pactes, car certes, ceci est interrogé. C'est-à-dire, on sera interrogé concernant ce sujet, concernant les pactes que nous avons. Ici, il y a des engagements. Lorsque tu es ici, tu as un engagement avec l'état dans lequel tu vis. Le fait de ne pas violer la sécurité de qui que ce soit. Comment peux-tu après cela te permettre d'accomplir un acte terroriste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les caractéristiques de l'hypocrite, wa idha ahada radar. Lorsqu'il a un engagement, il le trahit. Et donc, barakallahu fikum. On ne peut pas dire que les terroristes sont des salafis. Et on ne peut pas accuser les salafis d'être des terroristes. C'est soit il est salafi, soit il est terroriste. Pas les deux, c'est pas possible. L'imam muslim, il cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-janna » Celui qui tue une personne avec qui nous avons un pacte, un engagement, ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et donc, il est important de bien comprendre ce sujet, barakallahu fikoum. On ne peut pas associer le terrorisme à la salafia. On ne peut pas non plus associer l'extrémisme. Même l'extrémisme qui, donc, si on écoute les médias, pour eux, l'extrémisme, donc, c'est moindre, un peu moindre que le terrorisme. Mais est-ce que l'extrémisme, on peut l'associer à la salafia? Non, pas du tout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comme dans Sahih Muslim, selon Ibn Mas'ud, « Halakal mutanattirun » Les exagérateurs sont voués à la perdition. Il l'a répété 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas d'extrémisme dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas d'extrémisme dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'extrémisme chez les salafis, puisque les salafis suivent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. An-Nasa'i, il cite dans son sunan, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Iyakum wal-ghulu, iyakum wal-ghulu wa fid-din, fa'innama ahlaka alladina min qablikum al-ghulu. » Et donc, méfiez-vous, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous, délaissez l'exagération dans la religion, car certes, ce qui a mené les peuples d'avant vous à leur perte est l'exagération dans la religion. Et donc, les savants, ils ont mis en garde aussi contre l'exagération, contre toute forme d'exagération. Et c'est aussi donc pour ça qu'ils ont mis en garde contre les sectes telles que Al-Haddadiyya, hein, Al-Haddadiyya, qui vont taxer les gens d'innovateurs sans preuve et qui vont exagérer dans le sujet des mises en garde. Ils ont mis en garde contre la secte des Moussafiqa aussi par rapport à ce même sujet, l'exagération dans la mise en garde. Et donc il est important de bien comprendre cela, jazakumullahu khayran. On ne peut pas associer ces déviances à la salafia. Voilà pourquoi j'étais étonné une fois d'un frère qui dise « Oui, c'est un moussafiq, c'est un salafi, mais il est avec les moussafiqas. » Un salafi avec les moussafiqas. C'est soit tu ne connais pas les moussafiqas, soit tu ne connais pas la salafia. Soit tu ne connais pas la salafia. Un salafi qui est avec les moussafiqas, c'est quoi ça? Et donc, barakallahu fikoum les frères, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le terme salafi, ce n'est pas une prétention. On n'utilise pas comme prétention. Mais comme j'ai dit, ce sont les faits qui sont pris en compte. L'imam Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, « Laysa kullu man idda'a salafiyyata yakunu salafiyyan » فقد ادعى قوم جهال فقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف. Il dit ce n'est pas toute personne qui prétend la salafia qui va être salafi. Et certes, il y a certains ignorants qui ont prétendu cela mais qui ne connaissent pas la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs. وادعاها قوم مخربون ينتهلون منهج الخوارج Et donc, certes, il y a certains donc criminels, certains donc dévastateurs qui ont prétendu être salafis, alors qu'ils ont en réalité la voie des khawarij. La voie des khawarij, donc, dans le fait de faire couler le sang et de semer la corruption sur terre. Ils ont prétendu être salafis. وادعاها قوم متعلمون لم يأخذوا العلم عن العلماء. Et aussi, il y a des gens qui se font passer pour des gens de science, qui ont prétendu être salafis. Ils n'ont pas pris la science chez les savants. وإنما أخذوه من الكتب والمطالعات والاعتماد على حفظ النصوص مجردا عن الفهم. Cependant, ils ont pris la science des livres, des recherches et le fait de se baser sur la mémorisation des textes sans avoir la compréhension. Hein? Ça, faut faire attention. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ » Et donc, il dit tabaraka wa ta'ala « Les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. » Il nous dit, l'imam al-Fawzan, « De la meilleure des façons, ay bi'itqan. » C'est-à-dire avec maîtrise. Il maîtrise ce manhaj salafi. Il maîtrise la voix des pieux prédécesseurs. Il maîtrise la voix du prophète. Ils la connaissent bien. Et cela ne peut se faire qu'avec la science et en œuvrant avec leur manhaj. Et donc, barakallahu fikum, les frères, la salafia, l'islam, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, donc, le fait de s'accrocher donc à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a nul doute que cette voie est innocente de toute déviance et notamment l'extrémisme et le terrorisme. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yirda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً.